Chapitre 27. Tu feras l'autel en bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras ses cornes aux 4 coins. Ses cornes formeront avec lui une seule pièce et tu le couvriras de bronze. Tu feras ses récipients pour recueillir les cendres, ses pelles, ses calices, ses fourchettes et ses brasiers. Tu feras de bronze tous ses ustensiles. Tu y feras une grille de bronze en forme de treillis, et tu mettras 4 anneaux de bronze aux 4 coins du treillis. Tu le mettras au-dessous du rebord de l'autel, à partir du bas. Le treillis arrivera jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras de bronze. On introduira les barres dans les anneaux, et les barres seront aux 2 côtés de l'autel quand on le portera. Tu le feras creux, en plaques. On le fera tel qu'on te l'a montré sur la montagne. Tu feras le parvis du tabernacle. Dans la direction du midi, au sud, il y aura, pour former le parvis, des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées dans cette première direction, avec leurs 20 colonnes et leurs 20 socles de bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Dans la direction du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées, avec leurs 20 colonnes et leurs 20 socles de bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Pour la largeur du parvis, dans la direction de l'ouest, il y aura 50 coudées de toile, avec leurs 10 colonnes et leurs 10 socles. Pour la largeur du parvis, en direction de l'est, à l'orient, il y aura 50 coudées. 15 coudées de toile pour une aile, avec leurs 3 colonnes et leurs 3 socles, et 15 coudées de toile pour la seconde aile, avec leurs 3 colonnes et leurs 3 socles. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, violet, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, en ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 socles. Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront leurs tringles d'argent, leurs crochets d'argent et leurs socles de bronze. La longueur du parvis sera de 100 coudées, sa largeur de 50 de chaque côté et sa hauteur de 5 coudées. Il sera de fin lin retors et les socles de bronze. Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ses piquets et tous les piquets du parvis seront de bronze. Toi, tu ordonneras aux Israélites de te prendre pour le candélabre de l'huile raffinée d'olive concassée afin d'entretenir les lampes en permanence. C'est dans la tente de la rencontre, en dehors du voile qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils disposeront les lampes pour qu'elles brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une prescription perpétuelle pour toutes les générations des Israélites.